Je ne m'étais pas pour rien une Espagnole de vieille race. Mon orgueil s'insurgea contre ce que je sentais en présence de ce dangereux Esteban qui s'emparait de moi avec cette révoltante puissance. Je dis au duc de le congédier sous un prétexte ou sous un autre, de lui faire au plus vite quitter le château, que je m'apercevais qu'il avait pour moi un amour qui m'offensait comme une insolence. Mais Don Cristoval me répondit, comme le duc de Guise, à l'avertissement que Henri III l'assassinerait. Il n'oserait, c'était le mépris du destin, qui se vengea en s'accomplissant. Ce mot me jeta à Esteban. Elle s'arrêta un instant, et il l'écoutait parlant cette langue élevée qui, à elle seule, lui aurait affirmé, s'il avait pu en douter, qu'elle était bien ce qu'elle disait, la duchesse de Sierra Leone. Ah, la fille du boulevard était alors entièrement effacée. On eût juré d'un masque tombé, et que la vraie figure, la vraie personne reparaissait. L'attitude de ce corps effréné était devenue chaste. Tout en parlant, elle avait pris derrière elle un châle, oublié au dos du canapé, et elle s'en était enveloppée. Elle en avait ramené les plis sur ce sein maudit, comme elle l'avait nommé, mais auquel la prostitution n'avait pu enlever la perfection de sa rondeur et sa fermeté virginale. Sa voix même avait perdu la roussité qu'elle avait dans la rue. Était-ce une illusion produite par ce qu'elle disait ? Mais il semblait à Tressigny que cette voix était d'un timbre plus pur, qu'elle avait repris sa noblesse. « Je ne sais pas, continua-t-elle, si les autres femmes sont comme moi. Mais cet orgueil incrédule de Don Cristoval, ce dédaigneux et tranquille, il n'oserait, en parlant de l'homme que j'aimais, m'insulta pour lui, qui déjà dans le fond de mon être avait pris possession de moi comme un dieu. « Prouve-lui que tu oseras, lui dis-je, le soir même, en lui déclarant mon amour. Je n'avais pas besoin de le lui dire. Esteban m'adorait depuis le premier jour qu'il m'avait vu. » Notre amour avait eu la simultanéité de deux coups de pistolet tirés en même temps et qui tuent. J'avais fait mon devoir de femme espagnole en avertissant Don Cristoval. Je ne lui devais que ma vie, puisque j'étais sa femme, car le cœur n'est pas libre d'aimer. Et ma vie, il l'aurait prise très certainement, en mettant à la porte de son château Don Esteban, comme je le voulais. Avec la folie de mon cœur déchaîné, je serais morte de ne plus le voir, et je m'étais exposée à cette terrible chance. Mais puisque lui, le duc, mon mari, ne m'avait pas comprise, puisqu'il se croyait au-dessus de Vasconcellos, qu'il lui paraissait impossible que celui-ci élevât les yeux et son hommage jusqu'à moi, je ne poussais pas plus loin l'héroïsme conjugal contre un amour qui était mon maître. Je n'essaierai pas de vous donner l'idée exacte de cet amour. Vous ne me croiriez peut-être pas, vous non plus. Mais qu'importe, après tout ce que vous penserez. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Ce fut un amour tout à la fois brûlant et chaste, un amour chevaleresque, romanesque, presque idéal, presque mystique. Il est vrai que nous avions 20 ans à peine, et que nous étions du pays des Bivards, d'Ignace de Loyola et de Sainte Thérèse. Ignace, ce chevalier de la Vierge, n'aimait pas plus purement la reine des cieux que ne m'aimait Vasconcellos, et moi, de mon côté, j'avais pour lui quelque chose de cet amour extatique que Sainte Thérèse avait pour son époux divin. L'adultère, fit donc, est-ce que nous pensions que nous pouvions être adultères? Le cœur battait si haut dans nos poitrines. Nous vivions dans une atmosphère de sentiments si transcendants et si élevés que nous ne sentions en nous rien des mauvais désirs et des sensualités des amours vulgaires. Nous vivions en plein azur du ciel. Seulement ce ciel était africain, et cet azur était du feu. Un tel état d'âme aurait-il duré? Était-ce bien possible qu'il durât? Ne jouions-nous pas là, sans le savoir, sans nous en douter, le jeu le plus dangereux pour de faibles créatures, et ne devions-nous pas être précipités, dans un temps donné, de cette hauteur immaculée? Esteban était pieux comme un prêtre, comme un chevalier portugais du temps d'Albuquerque. Moi, je valais assurément moins que lui, mais j'avais en lui et dans la pureté de son amour une foi qui enflammait la pureté du mien. Il m'avait dans son cœur comme une madone dans sa niche d'or, avec une lampe à ses pieds, une lampe inextinguible. Il aimait mon âme pour mon âme. Ils étaient de ces rares amants qui veulent le grand de la femme qu'ils adorent. Il me voulait noble, dévoué, héroïque, une grande femme de ces temps où l'Espagne était grande. Il aurait mieux aimé me voir faire une belle action que de valser avec moi souffle à souffle. Si les anges pouvaient s'aimer entre eux devant le trône de Dieu, ils devraient s'aimer comme nous nous aimions. Nous étions tellement fondus l'un dans l'autre que nous passions de longues heures ensemble et seuls, la main dans la main, les yeux dans les yeux, pouvant tout, puisque nous étions seuls, mais tellement heureux que nous ne désirions pas davantage. Quelquefois, ce bonheur immense qui nous inondait et nous faisait mal à force d'être intense, et nous désirions mourir, mais l'un avec l'autre, ou l'un pour l'autre, et nous comprenions alors le mot de sainte Thérèse, « Je meurs de ne pouvoir mourir ». Ce désir de la créature finie, succombant sous un amour infini, et croyant faire plus de place à ce torrent d'amour infini par le brisement des organes et la mort. Je suis maintenant la dernière des créatures souillées, mais dans ce temps-là, croiriez-vous que jamais, les lèvres d'Esteban n'ont touché les miennes, et qu'un baiser déposé par lui sur une rose, et repris par moi, me faisait évanouir. Du fond de l'abîme d'horreur où je me suis volontairement plongé, je me rappelle à chaque instant pour mon supplice cette délice divine de l'amour pur dans lequel nous vivions, perdu et si transparent, sans doute, dans l'innocence de cet amour sublime, que Don Cristoval n'eut pas grand-peine à voir que nous nous adorions. Nous vivions la tête dans le ciel. Comment nous apercevoir qu'il était jaloux? Et de quelle jalousie? De la seule dont il fut capable, de la jalousie de l'orgueil. Il ne nous surprit pas. On ne surprend que ceux qui se cachent. Nous ne nous cachions pas. Pourquoi nous serions-nous cachés? Nous avions la candeur de la flamme en plein jour qu'on aperçoit dans le jour même. Et d'ailleurs, le bonheur débordait trop de nous pour qu'on ne le fît pas. Et le duc le vit. Cela creva enfin les yeux à son orgueil, cette splendeur d'amour. Ah, Esteban avait osé. Moi aussi. Un soir, nous étions comme nous étions toujours, comme nous passions notre vie depuis que nous nous aimions, tête à tête, unis par le regard seul. Lui à mes pieds, devant moi, comme devant la Vierge Marie, dans une contemplation si profonde que nous n'avions besoin d'aucune caresse. Tout à coup, le duc entra avec deux noirs qu'il avait ramenés des colonies espagnoles, dont il avait été longtemps gouverneur. Nous ne les aperçûmes pas, dans la contemplation céleste qui enlevait nos âmes en les unissant, quand la tête d'Esteban tomba lourdement sur mes genoux. Il était étranglé. Les noirs lui avaient jeté autour du cou ce terrible lazo avec lequel on étrangle au Mexique les taureaux sauvages. Ce fut la foudre pour la rapidité. Mais la foudre qui ne me tua pas. Je ne m'évanouis point, je ne criai pas. Nulle larme ne jaillit de mes yeux. Je restais muet et rigide, dans un état sans nom d'horreur, d'où je ne sortis que par un déchirement de tout mon être. Je sentis qu'on m'ouvrait la poitrine et qu'on m'en arrachait le cœur. Hélas, ce n'était pas à moi qu'on l'arrachait, c'était à Esteban, à ce cadavre d'Esteban, qui gisait à mes pieds, étranglé, la poitrine fendue, fouillé comme un sac par les mains de ces monstres. J'avais ressenti, tant j'étais par l'amour devenu lui, ce qu'aurait senti Esteban s'il avait été vivant. J'avais ressenti la douleur qui ne sentait pas son cadavre, et c'était cela qui m'avait tiré de l'horreur dans laquelle je m'étais figé, quand il me l'avait étranglé. Je me jetais à eux, à mon tour, leur criai-je. Je voulais mourir de la même mort, et je tendis ma tête à l'infâme lacet. Ils allaient la prendre. « On ne touche pas à la reine, » fit le duc, cet orgueilleux duc, qui se croyait plus que le roi. Et il les fit reculer en les fouettant de son fouet de chasse. « Non, vous vivrez, madame, » me dit-il, « mais pour penser toujours à ce que vous allez voir. » Et il siffla. Deux énormes chiens sauvages accoururent. « Qu'on fasse manger, » dit-il, « le cœur de ce traître à ses chiens. » Oh, à cela, je ne sais quoi se redressa en moi. « Allons donc, venge-toi mieux, lui dis-je. C'est à moi qu'il faut le faire manger. » Il resta comme épouvanté de mon idée. « Tu l'aimes donc furieusement, » reprit-il. « Ah, je l'aimais d'un amour qu'il venait d'exaspérer. Je l'aimais à n'avoir ni peur ni dégoût de ce cœur saignant, plein de moi, chaud de moi encore. Et j'aurais voulu le mettre dans le mien, ce cœur. » Je le demandai à genoux, les mains jointes. Je voulais épargner à ce noble cœur adoré cette profanation impie, sacrilège. J'aurais communié avec ce cœur, comme avec une hostie. N'était-il pas mon Dieu? La pensée de Gabriel de Vergy, dont nous avions lu, Esteban et moi, tant de fois l'histoire ensemble, avait surgi en moi. Je l'enviais. Je la trouvais heureuse d'avoir fait de sa poitrine un tombeau vivant à l'homme qu'elle avait aimé. Mais la vue d'un amour pareil rendit le duc atrocement implacable. Ses chiens dévorèrent le cœur d'Esteban devant moi. Je le leur disputai. Je me battis avec ses chiens. Je ne pus le leur arracher. Ils me couvrirent d'affreuses morsures et traînèrent et essuyèrent à mes vêtements leur gueule sanglante. Elle s'interrompit. Elle était devenue livide à ses souvenirs, et haletante, elle se leva d'un mouvement forcené, et tirant à elle un tiroir de commode par sa poignée de bronze, elle montra à Tressigny une robe en lambeaux, teinte de sang à plusieurs places. « Tenez, dit-elle, c'est là le sang du cœur de l'homme que j'aimais, et que je n'ai pu arracher au chien. quand je me retrouve seul dans l'exécrable vie que je mène, quand le dégoût m'y prend, quand la boue m'en monte à la bouche et m'étouffe, quand le génie de la vengeance faiblit en moi, que l'ancienne duchesse revient et que la fille m'épouvante, je m'entortille dans cette robe, je vautre mon corps souillé dans ses plis rouges, toujours brûlant pour moi, et j'y réchauffe ma vengeance. C'est un talisman que ces haillons sanglants. Quand je les ai autour du corps, la rage de le venger me reprend aux entrailles, et je me retrouve de la force, à ce qu'il me semble pour une éternité. Tressigny frémissait en écoutant cette femme effrayante. Il frémissait de ses restes, de ses paroles, de sa tête devenue une tête de gorgone. Il lui semblait voir autour de cette tête les serpents que cette femme avait dans le cœur. Il commençait alors de comprendre. Le rideau se tirait. Ce mot « vengeance » qu'elle disait tant, qu'il lui flambait toujours aux lèvres. « La vengeance, oui, » reprit-elle. « Vous comprenez maintenant ce qu'elle est, ma vengeance. Ah, je l'ai choisie, entre toutes, comme on choisit de tous les genres de poignards, celui qui doit faire le plus souffrir. Le crigue dentelé, qui doit le mieux déchirer, l'être abhorré qu'on tue. Le tuer simplement, cet homme, et d'un coup. Je ne le voulais pas. Avait-il tué, lui, Vasconcelos, avec son épée, comme un gentilhomme? Non, il l'avait fait tuer par des valets. Il avait fait jeter son cœur au chien, et son corps au charnier, peut-être. Je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Le tuer pour tout cela, non. C'était trop doux et trop rapide. Il fallait quelque chose de plus lent et de plus cruel. D'ailleurs, le duc était brave. Il ne craignait pas la mort. Les Sierra Leone l'ont affronté à toutes les générations. Mais son orgueil, son immense orgueil, était lâche. Quand il s'agissait de déshonneur, il fallait donc l'atteindre et le crucifier dans son orgueil. Il fallait donc déshonorer son nom dont il était si fier. Eh bien, je me jurais que ce nom, je le tremperais dans la plus infecte des boues, que je le changerais en honte, en immondice, en excrément. Et pour cela, je me suis faite ce que je suis, une fille publique, la fille Sierra Leone, qui vous a raccroché ce soir. » Elle dit ces dernières paroles avec des yeux qui se mirent à étinceler de la joie d'un coup bien frappé. « Mais, dit Tressigny, le sait-il, lui, le duc, ce que vous êtes devenu ?»« S'il ne le sait pas, il le saura un jour, » répondit-elle, avec la sécurité absolue d'une femme, qui a pensé à tout et qui a tout calculé, qui est sûre de l'avenir. « Le bruit de ce que je fais peut l'atteindre d'un jour à l'autre, d'une éclaboussure de ma honte. Quelqu'un des hommes qui monte ici peut lui cracher au visage le déshonneur de sa femme, ce crachat qu'on n'essuie jamais. Mais ce ne serait là qu'un hasard, et ce n'est pas un hasard que je livrerai ma vengeance. » J'ai résolu d'en mourir, pour qu'elle soit plus sûre. Ma mort l'assurera en l'achevant. » Tressigny était dépaysée par l'obscurité de ses dernières paroles, mais elle en fit jaillir une hideuse clarté. « Je veux mourir où meurent les filles comme moi, » reprit-elle. « Rappelez-vous, il fut un homme sous François Ier qui alla chercher chez une de mes pareilles une effroyable et immonde maladie, qu'il donna à sa femme pour en empoisonner le roi, dont elle était la maîtresse, et c'est ainsi qu'il se vengea de tous les deux. Je ne ferai pas moins que cet homme. Avec ma vie ignominieuse de tous les soirs, il arrivera bien qu'un jour la putréfaction de la débauche saisira et rongera enfin la prostituée, et qu'elle ira tomber par morceaux et s'éteindre dans quelque honteux hôpital. Oh, alors ma vie sera payée, ajouta-t-elle, avec l'enthousiasme de la plus affreuse espérance. Alors il sera temps que le duc de Sierra Leone apprenne comment sa femme, la duchesse de Sierra Leone, aura vécu et comment elle meurt. Tressigny n'avait pas pensé à cette profondeur dans la vengeance, qui dépassait tout ce que l'histoire lui avait appris. Ni l'Italie du XVIe siècle, ni la Corse de tous les âges, ces pays renommés pour l'implacabilité de leurs ressentiments, n'offraient à sa mémoire un exemple de combinaison plus réfléchie et plus terrible que celle de cette femme, qui se vengeait à même elle, à même son corps comme à même son âme. Il était effrayé de ce sublime horrible, car l'intensité dans les sentiments, poussé à ce point, est sublime. Seulement, c'est le sublime de l'enfer. Et quand il ne le saurait pas, reprit-elle encore, redoublant d'éclairs sur son âme, moi, après coup, je le saurai. Je saurai ce que je fais chaque soir, que je bois cette fange, et que c'est du nectar, puisque c'est ma vengeance. Est-ce que je ne jouis pas à chaque minute de la pensée de ce que je suis? Est-ce qu'au moment où je le déshonore, ce duc Altier, je n'ai pas au fond de ma pensée l'idée énivrante que je le déshonore? Est-ce que je ne vois pas clairement dans ma pensée tout ce qu'il souffrirait s'il le savait? Ah, les sentiments, comme les miens, ont leur folie. Mais c'est leur folie qui fait le bonheur. Quand je me suis enfui de Sierra Leone, j'ai emporté avec moi le portrait du duc pour lui faire voir, à ce portrait, comme si ça avait été à lui-même, les hontes de ma vie. Que de fois je lui ai dit, comme s'il avait pu me voir et m'entendre, « Regarde donc, regarde !» Et quand l'horreur me prend dans vos bras, à tous vous autres, car elle m'y prend toujours, je ne puis pas m'accoutumer au goût de cette fange. J'ai pour ressource ce bracelet, et elle leva son bras superbe d'un mouvement tragique. J'ai ce cercle de feu qui me brûle jusqu'à la moelle, et que je garde à mon bras, malgré le supplice de l'y porter, pour que je ne puisse jamais oublier le bourreau d'Esteban, pour que son visage excite mes transports. Ces transports d'une haine vengeresse, que les hommes sont assez bêtes et assez fades pour croire au plaisir qu'ils savent donner. Je ne sais pas ce que vous êtes, vous, mais vous n'êtes certainement pas le premier venu parmi tous ces hommes, et cependant vous avez cru, il n'y a qu'un instant, que j'étais encore une créature humaine, qu'il y avait encore une fibre qui vibrait en moi, et il n'y avait en moi que l'idée de venger Esteban du monstre dont voici l'image. Ah, son image! C'était pour moi comme le coup de l'éperon, large comme un sabre, que le cavalier arabe enfonce dans le flanc de son cheval, pour lui faire traverser le désert. J'avais, moi, des espaces de honte encore plus grands à dévorer, et je m'enfonçais cette exécrable image dans les yeux et dans le cœur, pour mieux bondir sous vous quand vous me teniez. Ce portrait, c'était comme si c'était lui, c'était comme s'il nous voyait par ses yeux peints. Comme je comprenais l'envoûtement des siècles où l'on envoûtait, comme je comprenais le bonheur insensé de planter le couteau dans le cœur de l'image de celui qu'on eût voulu tuer. Dans le temps que j'étais religieuse, avant d'aimer cet Esteban, qui a pour moi remplacé Dieu, j'avais besoin d'un crucifix, pour mieux penser au crucifié. Et au lieu de l'aimer, je l'aurais haï. J'eusse été une impie que j'aurais eu besoin du crucifix, pour mieux le blasphémer et l'insulter. Hélas, ajouta-t-elle, changeant de ton et passant de l'âpreté des sentiments les plus cruels aux douceurs poignantes d'une incroyable mélancolie. Je n'ai pas le portrait d'Esteban, je ne le vois que dans mon âme, et c'est peut-être heureux, ajouta-t-elle. Je l'aurai sous les yeux, qu'il relèverait mon pauvre cœur, qu'il me ferait rougir des indignes abaissements de ma vie. Je me repentirai, et je ne pourrai plus le venger. La gorgone était devenue touchante, mais ses yeux étaient restés secs. Tressigny, ému d'une toute autre émotion que celle-là, par lesquelles, jusqu'ici, elle l'avait fait passer, lui prit la main, à cette femme qu'il avait le droit de mépriser, et il la lui baisa avec un respect mêlé de pitié. Tant de malheur et d'énergie la lui grandissaient. Quelle femme, pensait-il, si au lieu d'être la duchesse de Sierra Leone, elle avait été la marquise de Vasconcelos, elle eut, avec la pureté et l'ardeur de son amour pour Esteban, offert à l'admiration humaine quelque chose de comparable et d'égal à la grande marquise de Pescaïre. Seulement, ajouta-t-il en lui-même, elle n'aurait pas montré, et personne n'aurait jamais su, quel gouffre de profondeur et de volonté était en elle. Malgré le scepticisme de son époque et l'habitude de se regarder faire, et de se moquer de ce qu'il faisait, Robert de Tressigny ne se sentit point ridicule d'embrasser la main de cette femme perdue. Mais il ne savait plus que lui dire. Sa situation vis-à-vis d'elle était embarrassée. En jetant son histoire entre elle et lui, elle avait coupé, comme avec une hache, ses liens d'une minute qu'il venait de nouer. Il y avait en lui un inexprimable mélange d'admiration, d'horreur et de mépris. Mais il se serait trouvé de très mauvais goût de faire du sentiment ou de la morale avec cette femme. Il s'était souvent moqué des moralistes, sans mandat et sans autorité, qui pullulaient dans ce temps-là où, sous l'influence de certains drames et de certains romans, on voulait se donner les airs de relever, comme des pots de fleurs renversés, les femmes qui tombaient. Il était tout sceptique qu'il fût doué d'assez de bon sens pour savoir qu'il n'y avait que le prêtre seul, le prêtre du Dieu Rédempteur, qui put relever de pareilles chutes. Et encore croyait-il que, contre l'âme de cette femme, le prêtre lui-même se serait brisé. Il avait en lui une implication de choses douloureuses, et il gardait un silence plus pesant pour lui que pour elle. Elle, tout à la violence de ses idées et de ses souvenirs, continua. Cette idée de le déshonorer au lieu de le tuer, cet homme, pour qui l'honneur, comme le monde l'entend, était plus que la vie, ne me vint pas tout de suite. Je fus longtemps à trouver cela. Après la mort de Vasconcelos, qu'on ne sut peut-être pas dans le château, dont le corps fut probablement jeté dans quelque oubliette avec les noirs qui l'avaient assassiné, le duc ne m'adressa plus la parole, si ce n'est brièvement et cérémonieusement devant ses gens, car la femme de César ne doit pas être soupçonnée, et je devais rester aux yeux de tous l'impeccable duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Mais tête à tête et entre nous, jamais un seul mot, jamais une allusion. Le silence, ce silence de la haine qui se nourrit d'elle-même, et n'a pas besoin de parler.